de Montana. Où j'ai connaître l'unique. A pas vite à Perlin ou là. Allez yo kiti kiti kati pas mauvais et y pas con. Qui craquant ton kit katini en aska fait 3 tonnes baby voyez fait sans monter. C'est pas comme un sac à fond qu'à descendre. Attends y rentrer pour que voyez ça descend. Ni en big poussi fat sali ça clean ça intact. En route qui l'autre en peut pas attendre en y hâte. Ce soir c'est dans la chatte. En pas vine pour faire comeback. Ce soir c'est dans la chatte. En kibang ou coup de matraque. Allez yo kiti kiti kati pas mauvais et y pas con. Qui craquant ton kit katini en aska fait 3 tonnes. Baby, voyez, fais son montée. Je sais pas comment ça capte, pas descendre. Attends, il rentre. Baby, voyez, ça descend. Allez, yo, kitty, kitty, kati, pas mauvais et y pas con. Il raconte qu'on quitte Katini en aska, fait 3 tonnes. Baby, voyez, fais son montée. Si pas comment ça capte, pas descendre. Attends, il rentre. Baby, voyez, ça descend. Mais chichi, en yo, kat, bin, déguste, qu'on se fait pat. Belle, big, body, fat, pas manier, qu'on on se au pat. Pas jouer la clé au pat, moi, c'est l'unique kiki black. Sucre big silicone, on est chaillé gon cyclone. Mais t'as la IV, puis non, mais check à si téléphone. Non, mais brick télé comme ça passe. Ça passe, man, c'est Niklas. Niklas pour Bayo Smash, on bet Smash à Smash. I like your kitty kitty cat. Kitty kitty cat. Kitty kitty cat. Kitty kitty cat. Kitty kitty cat. Kitty kitty cat. Kitty kitty cat. Kitty kitty cat. I like your kitty kitty cat. Il pas mauvais et il pas con. Il raconte qu'on kit katini. En aska fait 3 tonnes de bivouille. Fais son montée, si qu'on commence à capon, pas descendre, attends qu'il rentre, pour que vous voyez ça descend.